fermentent les rousseurs amères de l'amour. Je sais les cieux crevant en éclairs, et les trombes, et les ressacs, et les courants. Je sais le soir, l'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes, et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. J'ai vu le soleil bas taché d'horreurs mystiques, illuminant de longs figements violets, pareils à des acteurs de drames très antiques, les flots roulant au loin leurs frissons de volets. J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies, baisé montant aux yeux des mers avec lenteur, la circulation des sèves inouïes et l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs. J'ai suivi des mois pleins, pareils aux vacheries hystériques, la houle à l'assaut des récifs, sans songer que les pieds lumineux des maris puissent forcer le mufle aux océans poussifs. J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables florides, mêlant aux fleurs des yeux de panthère, aux peaux d'hommes, des arcs en ciel tendus comme des brides, sous l'horizon des mers, à de glauques troupeaux. J'ai vu fermenter les marais énormes, nasses ou pourries dans les joncs tout un léviathan, des écroulements d'eau au milieu des bonasses, et les lointains vers les gouffres cataractants. Glaciers, soleils d'argent, flots nacreux, cieux et braises, échouages hideux au fond des golfes bruns, où les serpents géants dévorés des punaises choient des arbres tordus avec de noirs parfums. J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants. Des écumes de fleurs ont baigné mes dérades, et d'ineffables vents m'ont ailé par instants. Parfois, martyr lassé des pôles et des zones, la mer dont le sanglot faisait mon roulis doux, montait vers moi ses fleurs d'ombre aux ventouses jaunes, et je restais ainsi qu'une femme à genoux. Presqu'île ballottant sur mes bords les querelles et les fientes d'oiseaux clabaudeurs aux yeux blonds, et je voguais lorsqu'à travers mes liens frêles, des noyés descendaient dormir à reculons. Or, moi, bateau perdu sous les cheveux des anses, jeté par l'ouragan dans l'éther sans oiseaux, moi dont les monitors et les voiliers des anses n'auraient pas repêché la carcasse ivre d'eau, libre, fumant, monté de brumes violettes, moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur, qui porte, confiture exquise au bon poète, des lichens de soleil et des morves d'azur, qui courait, taché de lunules électriques, plantes folles escortées des hippocampes noirs, quand les juillets faisaient crouler à coups de trique les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs. Moi qui tremblais, sentant geindre à 50 lieues le rut des béhémots et des maelstroms épais, fileur éternel des immobilités bleues, je regrette l'Europe aux anciens parapets. J'ai vu des archipels sidéraux et des îles dont les cieux délirants sont ouverts aux vogueurs. Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles, millions d'oiseaux d'or, ô future vigueur? Mais vrai, j'ai trop pleuré. Les aubes sont navrantes, toute lune est atroce et tout soleil amer. L'âcre amour m'a gonflé de torpeurs enivrantes. Oh, que ma quille éclate! Oh, que j'aille à la mer! Si je désire une eau d'Europe, c'est la flâche, noire et froide, où, vers le crépuscule embaumé, un enfant accroupi, plein de tristesse, lâche un bateau frêle comme un papillon de mai. Je ne puis plus, baigné de vos langueurs, ô lames, enlever leur sillage aux porteurs de coton, ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, ni nager sous les yeux horribles des pontons. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Brise marine de Stéphane Mallarmé. Enregistré pour LibriVox.org par Frédéric. La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Fuir, là-bas, fuir. Je sens que des oiseaux sont ivres d'être parmi l'écume inconnue et les cieux. Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux, ne retiendra ce cœur qui dans la mer se trempe. Ô nuit, ni la clarté déserte de ma lampe sur le vide papier que la blancheur défend, et ni la jeune femme allaitant son enfant. Je partirai. Steamer, balançant ta mâture, lève l'ancre pour une exotique nature. Un ennui, désolé par les cruels espoirs, croit encore à l'adieu suprême des mouchoirs. Et peut-être les mâts, invitant les orages, sont-ils de ceux qu'un vent penche sur les naufrages perdus, sans mâts, ni fertiles îlots. Mais, ô mon cœur, entends le chant des matelots. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le combat du chrétien, de Jean Racine, lu pour LibriVox.org par Ezoie, en Belgique, en février 2010. Mon Dieu, quelle guerre cruelle! Je trouve deux hommes en moi. L'un veut que, plein d'amour pour toi, mon cœur te soit toujours fidèle. L'autre, à tes volontés rebelles, me révolte contre ta loi. L'un, tout esprit et tout céleste, veut qu'au ciel sans cesse attaché et des biens éternels touchés, je compte pour rien tout le reste. Et l'autre, par son poids funeste, me tient vers la terre penchée. Hélas, en guerre avec moi-même, où pourrais-je trouver la paix? Je veux et n'accomplis jamais. Je veux, mais ô misère extrême, je ne fais pas le bien que j'aime, et je fais le mal que je hais. Ô grâce, ô rayon salutaire, viens me mettre avec moi d'accord, et domptant par un doux effort cet homme qui t'est si contraire, fais ton esclave volontaire de cet esclave de la mort. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La crainte de Dieu, de Jean-Baptiste Rousseau, lu pour LibriVox.org par Ezoie, en Belgique, en février 2010. Oh, que tes œuvres sont belles, grand Dieu, quels sont tes bienfaits! Que ceux qui te sont fidèles sous ton joug trouvent d'attrait. Ta crainte inspire la joie, elle assure notre voie, elle nous rend triomphants. Elle éclaire la jeunesse et fait briller la sagesse dans les plus faibles enfants. Soutiens ma foi chancelante, Dieu puissant, inspire-moi cette crainte vigilante qui fait pratiquer ta loi. Loi sainte, loi désirable, ta richesse est préférable à la richesse de l'or, et ta douceur est pareille au miel dont la jeune abeille compose son cher trésor. Mais sans tes clartés sacrées, qui peut connaître, Seigneur, les faiblesses égarées dans les replis de son cœur? Prête-moi tes feux propices, viens m'aider à fuir les vices qui s'attachent à mes pas. Viens consumer par ta flamme ce que je vois dans mon âme et ce que je n'y vois pas. Si de leur triste esclavage tu viens dégager mes sens, si tu détruis leur ouvrage, mes jours seront innocents. J'irai puiser sur ta trace dans les sources de ta grâce, et de ces eaux abreuvées, ma gloire fera connaître que le Dieu qui m'a fait naître est le Dieu qui m'a sauvé. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le Dormeur du Val, d'Arthur Rimbaud, enregistré pour LibriVox.org par Nadine Eckert-Boulay. Le Dormeur du Val. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit aval qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature, berce-le chaudement. Il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Elle avait pris ce pli par Victor Hugo. Enregistré pour LibriVox.org par Kalinda. Elle avait pris ce pli dans son âge enfantant. De venir dans ma chambre un peu chaque matin, je l'attendais ainsi qu'un rayon qu'on espère. Elle entrait et disait « Bonjour, mon petit père. Prenez ma plume, ouvrez mes livres, s'asseyez sur mon lit, dérangez mes papiers et riez. » Puis, soudain, s'en allait comme un oiseau qui passe. Alors, je reprenais, la tête un peu moins lasse. Mon œuvre interrompue, et tout en écrivant, parmi mes manuscrits, je rencontrais souvent quelque arabesque folle, et qu'elle avait tracée, et maintes pages blanches entre ses mains froissées, où, je ne sais comment, venaient mes plus doux vers. Elle aimait Dieu, les fleurs, les astres, les prés verts, et c'était un esprit avant d'être une femme. Son regard reflétait la clarté de son âme. Elle me consultait sur tout à tout moment. Oh, que de soirs d'hiver radieux et charmants, passés à raisonner langue, histoire et grammaire. Mes quatre enfants groupés sur mes genoux, leur mère tout près, quelques amis causant au coin de feu. J'appelais cette vie être content de peu. Et dire qu'elle est morte, hélas, que Dieu m'assiste. Je n'étais jamais gaie quand je la sentais triste. J'étais morne au milieu du bal, le plus joyeux si j'avais en partant vu quelque ombre en ses yeux. Novembre 1846, jour des morts. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Épître à l'amitié d'Alexandre Bardenet, enregistré pour LibriVox.org par Ezoie, en Belgique, en septembre 2009. Épître à l'amitié. Qu'un ami véritable est une douce chose. Il cherche nos besoins au fond de notre cœur. La fontaine, les deux amis. Qui n'a pas un ami? Dans le cours de sa vie d'un ami, qui n'a pas serré la main chérie? À peine du berceau s'est-il débarrassé, que par un autre enfant l'enfant est embrassé, mêle avec lui ses pleurs, ses ris, ses jeux d'enfance. Oui, l'amitié déjà saisit son existence et grandit avec lui. Jeune homme plein d'ardeur, comme une passion elle envahit son cœur. L'amour, ce feu des sens qui dévore à cet âge, vit en frère avec elle et souffre son partage. Au sommet des beaux jours, quand ses pas l'ont mené, à l'aimer plus encore il se sent entraîné. Quand ses beaux jours flétris arrive la vieillesse, que le monde oublieux le fuit et le délaisse, seul, dans cet abandon, ce noble sentiment demeure de son cœur le fidèle aliment. Dans tout coin où repose un être qui respire, l'amitié généreuse exerce son empire, entre chez l'indigent mieux qu'au palais des rois. Au milieu des grandeurs se fixe quelquefois. Mais là, toujours près d'elle, avec effronterie, souple comme un serpent, l'adroite flatterie, usurpant ses beaux traits, son titre et sa douceur, ose se proclamer sa véritable sœur. Que bien vite apparaît le fard de son visage! L'une, modeste et simple et vraie en son langage, nous aimant pour nous-mêmes, accuse nos travers, tout en applaudissant nos mérites divers. L'autre, l'œil, le front bas, fait sa cour aux richesses. Du puissant qu'elle adore encense les faiblesses, le poursuit pas à pas dans sa prospérité et lui tourne le dos dans son adversité. Ah, l'amitié ne fuit ni malheur ni souffrance, même des cœurs ingrats ne tirent pas vengeance. Ange consolateur, à notre dernier jour, s'envole avec notre âme au céleste séjour. Monte et descend, semant la paix et l'harmonie, les degrés de l'esprit, les hauteurs du génie. Sur l'homme des cités et sur l'homme des champs, sur les hommes de bien, jamais sur les méchants. Sur tous les travailleurs des bras, de la pensée, souveraine équitable, envers tous empressés, sa main toujours ouverte épanche ses bienfaits, et ne demande rien aux heureux qu'elle a faits. Qui sait mieux plaire au cœur? Qui sait mieux le comprendre? Non, en défaut d'aimer, on ne peut la surprendre. Écrivains immortels, poètes, orateurs, de son culte divin fervents adorateurs, ne lui devez-vous pas cette volupté pure qui charme vos travaux, qui dissipe et conjure vos soucis, vos chagrins, sans souvenirs amers, si douce à vos succès, si douce à vos revers? Temps chéri du collège, où l'amitié commence à mûrir en nos cœurs sa féconde semence, où nous sentons sa vie en nos veines courir comme un doux feu sacré qui ne doit plus mourir. Que j'aime, interrogeant ma joyeuse mémoire, de mes amis d'alors fouiller la jeune histoire. Je les vois s'exciter dans l'arène des jeux au plus bruyant plaisir. Je me vois avec eux au bar, m'élançant, fendant l'air, intrépide, leur disputer le prix de la course rapide. D'une oreille distraite écouter le censeur, sous cape nous moquer de chaque professeur. Ô vous que j'aimais tant, d'amitié vrai modèle, bons amis de ce temps qui me restait fidèle, dans ces vers que j'écris pour charmer mes loisirs, j'ai voulu rendre hommage à vos doux souvenirs. L'amitié n'étant pas ses liens si faciles rien qu'aux paisibles lieux, aux modestes asiles, elle suit le guerrier et triomphe au combat. La défaite, l'exil ne l'arrêteront pas. Point de proscrit pour elle. En ces luttes suprêmes où les peuples lancés ne consultant qu'eux-mêmes descendent le courant des révolutions, l'amitié, toujours ferme en ses affections, des plus sinistres jours au plus fort de la tempête, belle, sur l'échafaud porte sa noble tête, va, couverte de gloire et de fidélité, dans un cruel exil plein de célébrité, consoler le grand homme et le grand capitaine. Jusqu'à sa mort s'attache au roc de Sainte-Hélène. Si des temps anciens nous remontons le cours, nous la voyons célèbre en actes, en discours, animer les héros de la chevalerie, les Bayards, les Crillons, gloire de la patrie. D'un des plus grands Césars stimulant le devoir, sous les traits de Mécène illustrer son pouvoir. Dans Virgile, en beau vers, éclate sa présence. Elle ouvre à Cicéron des trésors d'éloquence, fait succomber Clitus par son maître égorgé au milieu de l'ivresse où ce maître est plongé, pour avoir d'Alexandre, en ami trop sincère, blâmé la tyrannie et bravé la colère. Montre Oreste et Pylade, enchaînés par le cœur, à mourir l'un pour l'autre attachant leur bonheur. Sur le corps de Patrocie arrosé de ses larmes, Achille traîne Hector abattu par ses armes. Et ce bon grec qui lègue en se sentant mourir, et sa fille à doter, et sa mère à nourrir, à deux de ses amis. Fortuné légataire, de ses laits précieux il vous rend solidaire. Comme au cœur généreux des peuples éclairés, l'amitié, dont les droits sont par eux vénérés, fait au cœur du sauvage et des peuples barbares vivre ses sentiments, ses vertus les plus rares. On voit des animaux les deux terribles rois, le lion et le tigre, en pratiquer les lois, chérir un jeune chien enfermé dans leur cage qui dort à leurs pieds, joue autour d'eux et partage sans crainte les ennuis de leur captivité. Mais ce doux animal, de cette royauté devenu tout à coup l'ami, presque l'idole, de fidèle amitié, n'est-il pas le symbole? Comme il aime son maître! À ses moindres désirs, comme il sait obéir, sait à tous ses plaisirs prodiguer sa gaieté, redoubler de tendresse quand son maître se plaint du chagrin qui l'oppresse. À le servir en tout, quelle incessante ardeur! Quand il est attaqué, quel vaillant protecteur! Quel ami courageux quand, aux Alpes glacées, suivant du voyageur les traces effacées, soudain, dans un tombeau de neige enseveli, il descend l'arracher, fier d'avoir accompli, comme s'il le devait, cet acte de courage. Quand, non moins dévoué, s'élançant du rivage, il a sauvé son maître englouti dans les eaux. Ah, son maître et son Dieu! Si, courbé par les maux, il va quêter sa vie, en sa misère extrême, s'il a perdu la vue, il le conduit lui-même. Montre son pauvre aveugle aux passants généreux, leur disant du regard « Donnez du pain pour deux !» À sa mort, sur sa tombe, il va l'aimer encore. Il y porte son deuil, de ses pleurs la décore. Il fait plus qu'y pleurer, il y meurt de douleur. ainsi, sans distinguer des hommes la couleur, ni la forme et l'esprit, sur ce qui vit et pense, l'amitié fait sentir son heureuse influence. Toute amitié sincère est un bien précieux, bien qui rend noble et grand sans titre et sans aïeux. Ô sublime amitié, pur sentiment de l'âme, source de vrai bonheur, que ta divine flamme, vive, brûlante, en moi ne s'éteigne jamais. Embrase les amis que j'aime et que j'aimais. Que ta voix porte au ciel ta prière si tendre, tes accents si touchants, qu'ils en fassent descendre sur leurs paisibles jours les plus douces faveurs, faveurs d'être affranchis des peines, des douleurs. Pour diriger leurs pas, faveur de la sagesse, et faveur du pouvoir comme de la richesse, pour goûter le plaisir de répandre le bien, mieux aimer le malheur, s'en faire le soutien. Faveur de longtemps vivre auprès de ce qu'on aime, et la rare faveur d'être aimé pour soi-même. Puissais-je tous les voir et les sentir heureux, je le serais autant, je le serais plus qu'eux. Qu'à cet instant dernier de force défaillante, amitié de mon cœur, religion vaillante, à ce dernier instant, viens, viens me secourir. Où l'on sent fuir la vie et la mort à courir, entouré de leurs soins, voyant leur chère image se pencher tendrement sur mon pâle visage, couvert de leurs baisers, dans un suprême adieu, du sein de l'amitié, je monte au sein de Dieu. Alexandre Bardenet, juge au tribunal de Vesoul. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'homme et la mer, de Charles Baudelaire. Enregistré pour LibriVox.org par Nadine Eckert-Boulet. L'homme et la mer. Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir. Tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame, et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Tu te plais à plonger au sein de ton image. Tu l'embrasses des yeux et des bras, et ton cœur se distrait quelquefois de sa propre rumeur au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets. Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes. Ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes, tant vous êtes jaloux de garder vos secrets. Et cependant, voilà des siècles innombrables que vous vous combattez sans pitié ni remords, tellement vous aimez le carnage et la mort, ô lutteurs éternels, ô frères implacables. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les joujoux de la morte, de Théophile Gautier, lu par Ezoie, en Belgique, en mai 2009. Les joujoux de la morte. La petite Marie est morte, et son cercueil est si peu long qu'il tient sous le bras qu'il emporte comme un étui de violon. Sur le tapis et sur la table traîne l'héritage enfantin. Les bras ballants, l'air lamentable, tout affaissé, gît le pantin. Et si la poupée est plus ferme, c'est la faute de son bâton. Dans son œil, une larme germe, un soupir gonfle son carton. Une dinette abandonnée mêle ses plats de bois verni à la troupe désarçonnée des écuyers de Franconi. La boîte à musique est muette, mais quand on pousse le ressort où se posait sa main fluette, un murmure plaintif en sort. L'émotion chevrotte et tremble dans « Ah, vous dirai-je, maman !» Le quadrille des lanciers semble triste comme un enterrement. Et des pleurs vous mouillent la joue quand la donna immobile, sur le rouleau qui tourne et joue, expire avec un son filé. Le cœur se navre à ce mélange puérilement douloureux. Joujou d'enfant laissé par l'ange, berceau que la tombe a fait creux. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Mon rêve familier de Paul Verlaine. Enregistré pour LibriVox.org par Caroline Sophie. Mon rêve familier. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est, chaque fois, ni tout à fait la même ni tout à fait une autre et m'aime et me comprend. Car elle me comprend et mon cœur, transparent pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème pour elle seule et les moiteurs de mon front blême elle seule laissait rafraîchir en pleurant. Est-elle brune, blonde ou rousse? Je l'ignore. Son nom, je me souviens qu'il est doux et sonore comme ceux des aimés que la vie exila. Son regard est pareil au regard des statues. Et, pour sa voix, lointaine et calme et grave, elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le naufragé, de François Copé, lu pour LibriVox.org par Ezoa, en Belgique, en mai 2009. Le naufragé. Devant le cabaret qui domine la rade, Maître Jean Goëlo, le rude camarade, le vieux gabier manchot du bras droit, le marin qu'un boulet amputa le jour de Navarin, la pipe aux dents, buvant son grog par intervalle, compte, les soirs d'été, ses histoires navales aux pilotins du port attablés avec lui. Oui, mes enfants, voilà 60 ans aujourd'hui, leur dit-il, que je suis entré dans la marine et que j'ai pris la mer sur la belle Honorine, un trois-mâts éreinté, pourri, tout au plus bon à brûler, qui faisait voile pour le Gabon, avec le vent arrière et la brise bien faite. J'avais grandi, pieds nus, à pêcher la crevette avec un vieux, mon oncle à ce qu'on prétendait, qui rentrait tous les soirs ivre et qui me battait. Tout enfant, j'ai beaucoup pâti, je puis le dire. Mais, une fois à bord, ce fut encore bien pire, et c'est là que j'appris à souffrir sans crier. Primo, notre navire était un négrier, et dès qu'on fut au large, on ne tint plus secrète l'intention d'aller là-bas faire la traite. Le capitaine était toujours rond comme un œuf et menait l'équipage à coups de nerf de bœuf. Tous retombaient sur moi. La chose est naturelle, un mousse. Je vivais au milieu d'une grêle de coups. À chaque pas, sur le pont, je tremblais et je levais le bras pour parer les soufflets. Ah, nul n'avait pitié de moi. C'était bien rude. Mais dans les temps d'alors, on avait l'habitude d'assommer un enfant pour en faire un marin. Et je ne pleurais plus, tant j'avais de chagrin. Enfin, j'aurais fini par crever de misère quand je fus consolé par un ami sincère. Dieu, nous y croyons tous, en mer il le faut bien, chez les hommes méchants, avait mis un bon chien. Traité comme moi-même, il vivait dans les transes, et nous fûmes bientôt de vieilles connaissances. C'était un Terre-Neuve, et Black était son nom, noir, avec des yeux d'or. Et ce doux compagnon dès lors ne me quitta guère plus que mon ombre, et par les belles nuits, aux étoiles sans nombre, quand il ne restait plus que les hommes de quart, accroupi sur le pont avec Black, à l'écart, dans un recoin formé d'une demi-douzaine de ballots arrimés près du mât de misaine, et mes bras passés au cou du brave chien, je déchargeai mon cœur en pleurant près du sien. Oui, je pleurais, bercé par le bateau qui tangue, tandis qu'il me léchait avec sa grosse langue. Mon pauvre Black. Allez, je songe à lui souvent. Nous avions eu d'abord bonne mer et bon vent, mais un soir qu'il faisait une chaleur atroce, notre vieux capitaine, une bête féroce, c'est vrai, mais bon marin, on ne peut le nier, fit une étrange moue et dit au timonier « Vois donc ce grain là-bas, la drôle de visite !» L'autre répond « Il est bien noir et vient bien vite. »« Hola, hé ! Tu vas voir comment je le reçois. Alba le clin phoque. Serre le cac à toi. » Bah, c'était la tempête, et toujours trop de toile. On serre les huniers, on cargue la grand voile. Enfin, le loup de mer prend ses précautions. Mais le navire était trop vieux, et nous dansions, mes amis, que le diable en aurait pris les armes. on travaillait, malgré l'orage et ses vacarmes. Mais quand on eut de l'eau plein de la cale, il fallut s'occuper promptement des moyens de salut. Harassé, aveuglé, trempé comme une soupe, pour la mettre à la mer, nous parions la chaloupe. Quand tout à coup, et sans nous demander conseil, voilà le pont qui crève avec un bruit pareil au fracas d'un vaisseau qui lâche sa bordée. Nous coulions. On ne peut pas se faire une idée de l'émoi que vous cause un de ces plongeons-là. Moi, pendant la minute où le bateau coula, en tournant sur lui-même avec un air stupide, je revis mon passé dans un éclair rapide. Oui, tout. Notre vieux port, ses mâts et son clocher, et la plage où j'allais, pieds nus sur le rocher, et le sable semé de méduses vermeilles. Brusquement, l'eau m'emplit la bouche et les oreilles. Je n'aurais pas été longtemps à patauger, et j'allais m'engloutir, ne sachant pas nager, lorsque Black me saisit au collet par la gueule. Justement, la chaloupe avait surnagé seule. Elle était près de nous. Le chien, d'un brave effort, me pousse jusque-là. J'en empoigne le bord et je saute dedans avec la bonne bête. Quant à notre trois-mâts, l'effroyable tempête n'en avait épargné que le mousse et son chien dans ce canot sans mât, sans aviron, sans rien. Quoique gamin, j'avais le cœur plein de courage. Mais 2 heures après, quand se calma l'orage, je compris, en songeant à mon sort froidement, qu'à moins de rencontrer en mer un bâtiment, je ne parviendrai pas à regagner la terre. J'étais seul sur le vaste océan solitaire, et nous n'étions sauvés de la noyade enfin, mon pauvre Black et moi, que pour mourir de faim. Pas un biscuit, pas un bidon dans la cambuse, comme sur le fameux radeau de la Méduse. Mais abrégeons, les bons récits sont les plus courts. Pendant 5 longues nuits et pendant 5 longs jours, notre canot flotta, balancé par la lame, la faim grondant au ventre et l'angoisse dans l'âme, et perdant chaque jour l'espoir du lendemain, assis près de mon chien qui me léchait la main, sous le soleil torride ou sous la froide étoile, j'attendis donc, sans voir apparaître une voile à l'horizon fermant sur moi son cercle bleu. Donc, le 5e jour, j'avais la gorge en feu et la fièvre, lorsque tout à coup je remarque que Black se rencognait sous le banc de la barque, qu'il avait l'air tout chose, et que son œil si bon d'ordinaire et si doux, luisait comme un charbon. « Allons, mon vieux, lui dis-je, ici, qu'on te caresse. » Pas du tout. Il me lance un regard de détresse. Je m'avance, il recule, et gronde entre ses dents, tenant toujours fixé sur moi ses yeux ardents, et veut happer ma main que, d'instinct, je retire. Et je me demandais, « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Lorsque, avec le frisson de la petite mort, je vois Black qui saisit le bordage et le mord en laissant sur le bois couler un flot de bave. Et je devinais tout. Sur notre atroce épave, le chien, pas plus que moi, n'avait bu ni mangé. Et voilà maintenant qu'il était enragé. Oui, celui qui m'avait sauvé du grand naufrage, mon chien, mon matelot, mon frère avait la rage. Avez-vous bien compris? Voyez-vous le tableau? Cette barque perdue entre le ciel et l'eau, et dedans, cet enfant seul devant cette bête, avec le grand soleil tropical sur la tête, blanc de peur et tapi dans un coin du bateau. Je cherchai dans ma poche, et j'ouvris mon couteau. Car, machinalement, chacun défend sa vie. Il était temps. Cédant à son horrible envie, l'animal furieux sur moi s'était jeté. D'un brusque mouvement du corps, je l'évitai. Je le pris par la nuque et, le sentant se tordre et tâcher de tourner la tête pour me mordre, je pus le terrasser enfin sous mon genou. Puis, tandis qu'il roulait ses pauvres yeux de fou et que sous moi ses flancs ronflaient comme une forge, je lui plongeai 3 fois mon couteau dans la gorge. J'avais tué mon seul et mon premier ami. Comment je fus trouvé plus tard, mort à demi et tout couvert du sang que vomit le cadavre, par les hommes d'un brick qui revenaient au Havre,

comme la vie est lente, et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Premier amour de Raoul Lafagette, lu pour LibriVox.org par Ezois, en Belgique, en mai 2009. Premier amour. Brûlé de soif d'amour, sans avoir sur la terre de source où m'étancher, j'étais un paria, et mon front, sous le poids d'un chagrin solitaire, s'inclinait vers le sol comme le fuchsia. Toi seul as eu pitié de ma douleur cruelle. Toi seul m'as ouvert les trésors de ton sein. Et le morne souci s'éloigne à tire-d'aile, et de rêves dorés accourt un fol essaim. À toi tous les transports de mon âme en délire, à toi tous mes soupirs et mes vœux et ma foi, à toi les chants d'amour qui volent de ma lyre, mes jours, mon cœur, ma vie, à toi, toujours à toi. Janvier 1864. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le premier mot d'Alphonse Cordier, enregistré pour LibriVox.org par Ezois, en Belgique, en juin 2009. Le premier mot. Il est un mot sacré bien plus doux à lui seul que tout ce qui se dit des langes au linceul. Un mot, ô mes enfants, qui résume en lui-même tout ce que la tendresse a de douceur extrême, tout l'amour qu'en son sein nous garde l'avenir. Un mot que notre cœur doit à jamais bénir. Un mot dont notre oreille est par deux sons frappée et qui vaut 100 fois plus qu'une longue épopée. Un mot qui, prononcé pour la première fois, rend le front paternel plus gai que ceux des rois, qui déride celui de la vieille grand-mère et procure à l'aïeul un plaisir éphémère. Un mot, depuis longtemps avec crainte attendu, et qui fait tressaillir lorsqu'il est entendu. Un mot consolateur qui rend la joie à l'âme, mot que la jeune mère avec ardeur réclame, doux mot que sa voix pure aime à faire épeler, et dont le père heureux veut s'entendre appeler. Mot qui dit beaucoup plus que toutes les harangues et que nous retrouvons presque en toutes les langues. Mot que l'enfant bégaye avec le même amour des bords du Pamisus aux rives de l'Adour, du pays des Saxons à celui du Sarmate, et qui trouve un écho de la Seine à l'Euphrate. Mot que l'orphelin seul n'ose plus prononcer, mais que d'un cœur aimant rien ne peut effacer. Enfant, ce premier mot sorti de votre bouche, quand votre père était penché sur votre couche et que l'empressement en deux moitiés coupa, oh, c'est le mot si tendre et si doux de « papa ». Voilà, mes bien-aimés, la parole sacrée, le premier mot par qui toute langue se crée. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Puisque tu n'aimais pas, de George Eekhout, enregistré pour LibriVox.org par Ezois, en Belgique, en février 2010. Puisque tu n'aimais pas, pourquoi ne pas le dire? Fallait-il de mon cœur faire un triste jouet? Fallait-il me parler? Fallait-il me sourire et paraître exaucer mon unique souhait? Fallait-il de ta bouche innocente et ravie envoyer à ma flamme un espoir consolant? Dans le son de ta voix mettre tant d'harmonie? Dans tes serments trompeurs un accent si brûlant? Fallait-il dans tes yeux mettre tant de lumière, tant d'ineffable ivresse et de molle langueur? Toujours à me chercher tu semblais la première, et moi je t'adorais sans crainte et sans frayeur. Tu me semblais si belle et si noble et si pure que jamais je n'ai cru que tu trompais mes vœux. Et maintenant encore, isolée, je murmure ces doux vers qui jadis te firent mes aveux. Je pleure loin de toi, quoique je te pardonne. Je pleure mon beau rêve envolé pour toujours, car j'ai vu se flétrir la touchante couronne que m'avaient mis au front de vos lâches amours. Je pleure ce que Dieu mit de tendre en mon âme où se mirait l'ineffable idéal, mon âme qui vivait de ton regard, ô femme, et qui dans la tempête y cherchait son fanal. Dans ces moments d'ivresse où tu régnais sur elle, si le destin fatal m'avait su prévenir, la blessure plus prompte eût été moins cruelle, et j'aurais pu chercher l'oubli dans l'avenir. Mais tu partis un jour, sans te douter du vide que laissait en mon cœur ton abandon mortel. Oh, si tu l'avais su, devant ma lèvre avide, tu n'aurais point brisé cette coupe de miel. Aujourd'hui tout est fait, c'est le passé. Qu'importe à ta fraîche beauté qu'un autre effeuillera le regret obstiné sur le seuil de la porte où ton pied inconstant jamais plus n'entrera. Charmante illusion, rayon divin, mirage, vous, songe vaporeux du jour et de la nuit, fleur qu'un souffle a fanée, éphémère nuage, pourquoi nous quittez-vous lorsque l'amour s'enfuit? Revenez, revenez dans mon cœur qui soupire pour lui rendre le calme et le bonheur perdu. Hélas, vous restez sourds à la voix du délire. C'est en vain d'espérer. Vous ne reviendrez plus. 1870. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le roman de Marguerite, de Gabriel Beau, enregistré pour LibriVox.org par Ezoa, en Belgique, en mars 2010. Si vous aviez vu Marguerite, à l'âge de 7 ou 8 ans, chanter sa chanson favorite en souriant à belles dents, et si vous l'aviez vu ensuite vous provoquer d'un air mutin et rire de votre poursuite en échappant à votre main, alors, ah, qu'elle était joyeuse, comme sur son visage frais brillait une candeur heureuse, une franchise sans apprêt. Dans ses ébats, qu'elle était folle, c'était la plus vive gaieté et l'enfance la plus frivole, heureux temps si vite écoulé. Si vous aviez vu Marguerite mener le dimanche au château les petits pauvres à sa suite pour leur partager son gâteau, quand la dînette était finie, elle présidait à leur jeu et sa gaieté rendait la vie à tous ces petits malheureux. Ah, c'est alors qu'elle était belle et que l'on voyait sur son front paraître l'image fidèle d'un cœur généreux et profond. Ses yeux se remplissaient de larmes quand un de ses enfants pleurait, mais elle chassait ses alarmes en l'embrassant et souriait. Si vous aviez vu Marguerite appeler son frère de lait et courir le chercher bien vite quand trop longtemps il s'absentait, comme alors d'une voix sévère elle grondait le pauvre enfant. Mais le courroux ne durait guère et s'en allait comme le vent. Tous les deux élevés ensemble, le même sein les a nourris. Ce tendre lien qui les rassemble les tiendra-t-il toujours unis? Ils sont si beaux, pleins d'allégresse, quand, sans souci, là, tous les deux, et n'écoutant que leur jeunesse, ils sont tout à leur petit jeu. Si vous aviez vu Marguerite le jour où, pleine d'émotion, cet ange parmi nous proscrite fit sa première communion, le même jour, joie infinie, le petit Jules, sans retard, à la même cérémonie, était venu prendre sa part. Qu'ils étaient beaux à cette fête! Ils avaient 12 ans, âge d'or où le cœur n'a point de tempête, âge où tout vous sourit encore. Mais déjà leurs yeux sur la route s'étaient fait des aveux secrets, et s'étaient dit tout bas sans doute, « Nous ne nous quitterons jamais. » Si vous aviez vu Marguerite le lendemain, les yeux en pleurs, le cœur gonflé, l'âme interdite, déplorer seule ses malheurs. À peine elle entrait dans la vie, déjà la première douleur avait jeté son ironie sur la douce paix de son cœur. Jules était parti pour la ville. Le châtelain, plein d'ambition, en voulait faire un homme habile et payait pour lui sa pension. « Nous le reverrons aux vacances, » pensait Marguerite en pleurant. « Mais pour combler mes espérances, comme le temps va lentement !» Si vous aviez vu Marguerite compter les mois, compter les jours, alors il reviendra bien vite, pour longtemps, sinon pour toujours. Mais les vacances sont venues et Jules n'est pas arrivé, car ses études continuent, dit-on, le tiennent enchaîné. Mais il reviendra l'autre année, lui si bon, lui si délicat, il ne m'a pas abandonné, je sais qu'il ne peut être ingrat. Espérance trop incertaine, le mois d'août vint, mais hélas, triste et cruel sujet de peine, le petit frère ne vint pas. Si vous aviez vu Marguerite s'abandonner au désespoir et perdre, la pauvre petite, l'étincelle de son œil noir, et pourtant, pauvre enfant, la vie était pour elle, à son printemps, pleine d'une joie infinie, et pourtant elle avait 15 ans. Sa voix si vive et si sonore avait perdu tout son éclat. Quand elle souriait encore, c'était d'un air si délicat. À la voir ainsi désolée, on aurait cru voir une fleur dont la corolle desséchée s'étiole, languit et meurt. Si vous aviez vu Marguerite un matin, le front rayonnant, chanter sa chanson favorite comme autrefois en souriant, comme elle semble rajeunie, elle a loin d'elle rejeté son voile de mélancolie, elle a retrouvé sa gaieté. Ah, c'est qu'une bonne nouvelle a ranimé son cœur éteint. Jules va revenir près d'elle, et Jules arrivera demain. Il a remporté cette année le succès le plus éclatant, et c'est ainsi que dans l'armée, il est nommé sous-lieutenant. Si vous aviez vu Marguerite rougir quand Jules est arrivé, elle voulait prendre la fuite devant ce bonheur tant rêvé. Que craignais-tu donc, insensé? Avais-tu peur de te trahir? T'a-t-il seulement embrassé? A-t-il senti son cœur bondir? Non. Peine mille fois cruelle. Il s'est incliné devant toi, et il t'a dit « Mademoiselle, tu rougis encore? Pourquoi ?» C'est que, comme dans un doux songe, tu viens de lire dans ses yeux que sa froideur était mensonge et que son cœur est généreux. Si vous aviez vu Marguerite s'esquiver un instant le soir dans le parc et rentrer bien vite, sa mère lui dit « Qu'il fait noir! Sous ce ciel chargé de tempête, que faisais-tu dehors, enfant ?»« Mère, j'avais mal à la tête et l'air m'a calmée à l'instant. » Jules, le cœur plein d'espérance, l'attendait au fond du jardin, et les deux compagnons d'enfance s'étaient bientôt donné la main. Puis ils s'étaient ouvert leur âme et s'étaient dit ces mots si doux. « Moi, Jules, je serai ta femme, et moi, je serai ton époux. » Si vous aviez vu Marguerite attendre avec anxiété du facteur la rare visite, n'a-t-il encore rien apporté? Il avait, je crois, une lettre quand il est venu ce matin, et il a voulu la remettre au père. C'est bien Jules, enfin. C'est Jules qui faisait connaître qu'il a gagné la croix d'honneur. Dans la lettre, il a mis peut-être un mot pour la petite sœur. Oui, car il dit, ô joie extrême, qu'en ces pays lointains, son cœur n'a pas oublié ceux qu'il aime et s'en souvient avec bonheur. Si vous aviez vu Marguerite dans une fête, un jour charmer les yeux d'une foule émérite dont elle se faisait aimer. Mais elle est pâle, elle chancelle, et, portant la main à son cœur, « Une balle ! Blessée ! » dit-elle. « Jules, il tombe ! Il m'appelle ! Il meurt !» Et Marguerite était tombée. On voulut lui porter secours. Sa tempe était déjà glacée. Son âme avait fui pour toujours. Le lendemain vint la nouvelle que Jules, sur le champ d'honneur, atteint d'une balle mortelle, était tombé, mais en vainqueur. Si vous aviez vu Marguerite, morte, reposant pour toujours. La mort n'a donc pas de limite, rien ne l'arrête dans son cours. Ange que le destin rassemble, ces deux enfants s'étaient jurés de vivre et de mourir ensemble, serment qu'ils avaient révéré. Et pourtant la vie était belle et souriait à leur printemps, et la fatalité cruelle avait trompé les deux enfants. Mais pourquoi la douleur amère répandrait-elle ici son fiel? Auraient-ils été sur la terre, heureux comme ils le sont au ciel? Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Saison des semailles, le soir, de Victor Hugo, enregistré pour LibriVox.org par Caroline Sophie. Saison des semailles, le soir. C'est le moment crépusculaire. J'admire, assis sous un portail, ce reste de jour dont s'éclaire la dernière heure du travail. Dans les terres, de nuit baignée, je contemple, ému, les haillons d'un vieillard qui jette à poignée la moisson future au sillon. Sa haute silhouette noire domine les profonds labours. On sent à quel point il doit croire à la fuite utile des jours. Il marche dans la plaine immense, va, vient, lance la graine au loin, rouvre sa main et recommence. Et je médite, obscur témoin, pendant que, déployant ses voiles, l'ombre, où se mêle une rumeur, semble élargir jusqu'aux étoiles le geste auguste du semeur.

et nos cœurs sont profonds et vides comme un gouffre. Ma chair, allons-nous-en, tu souffres, et je souffre. Fuyons vers le castel de nos idéaux blancs, oui, fuyons la matière aux yeux ensorcelants. Aux plages de Toul, vers l'île des mensonges, sur la nef des 20 ans, fuyons son des songes. Elle est un pays d'or plein de lits et d'oiseaux, nous dormirons tous deux au frais lit des roseaux. Nous nous reposerons des intimes désastres, dans des rythmes de flûte à la vase des astres. Fuyons vers le château de nos idéaux blancs, oh, fuyons la matière aux yeux ensorcelants. Veux-tu mourir, dis-moi? Tu souffres, et je souffre, et nos cœurs sont profonds et vides comme un gouffre. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Un amour, épître à ma mère, d'Adolphe Aulagnier, enregistré pour LibriVox.org par Ezoie, en Belgique, en février 2010. À l'âge où l'on commence à vivre, où du moindre objet l'on s'enivre, où l'on admire avec ardeur un portrait, un livre, une fleur, à l'âge où Dieu se fait connaître, à nous trop indignes peut-être, un grand amour nous vient au cœur, amour sincère et sans douleur. Il a germé dans un sourire alors qu'un jouet nous attire à peine échappés au berceau. Là, tout est vrai. Là, tout est beau. Alors aussi, quand nous la sève de jour en jour bout et s'élève et le temps seul peut l'arrêter, car sa faux doit tout dévaster, candide encore, l'âme s'anime, à nos sens sa vigueur s'imprime. Doux moment des illusions et des tendres émotions. Il faut aimer. Et la nature le commande à sa créature. D'obéir, elle lui fait la loi. Aujourd'hui vous, et demain moi. Dès que cet amour vient à naître, de notre repos il est maître, et semble annoncer le bonheur. Bonheur passager ou trompeur. C'est une fraîche matinée dont notre jeunesse est ornée, qui, promettant un jour serein, recèle un soleil africain. La passion a ses furies, plus à plaindre que les harpies, souillant ce qu'elles ont touché. Par elle un cœur est desséché. Elle abrège et flétrit la vie, ou conduit même à la folie. Et puis, un jour tout disparaît. L'autre amour paisible renaît. Il embellit notre existence, et toujours pur dans son essence, en soutenant notre vertu, relève un courage abattu. Comme l'amour qu'à Dieu l'on donne, il n'est jalousé par personne. On le voit régner tour à tour dans le peuple comme à la cour. Il naît de la reconnaissance et nous est acquis dès l'enfance. L'âge mûr l'a fortifié, au souvenir il est lié. Étant fondé sur la sagesse, il charme encore notre vieillesse, vivant en nous jusqu'à la fin des jours comptés par le destin. On peut le nommer sans mystère. C'est l'amour d'une tendre mère. Février 1862. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public.